Le Nautilus descendit. Bientôt, les derniers représentants de la vie animale disparurent. Nous avions atteint une profondeur de 16 000 mètres, 4 lieues. Où plairait-il, me demanda le capitaine Nemo, d'en rapporter mieux que le souvenir? Que voulez-vous dire par ces paroles? Je veux dire que rien n'est plus facile que de prendre une vue photographique de cette région sous-marine. Sur un appel du capitaine Nemo, un objectif était apporté dans le salon. L'instrument fut braqué sur ses sites du fond océanique et en quelques secondes, nous avions obtenu un négatif d'une extrême pureté. Cependant, le capitaine Nemo, après avoir terminé son opération, me dit: Remontons, monsieur le professeur, il ne faut pas abuser de cette situation, ni exposer trop longtemps le Nautilus à de pareilles pressions. Je fus précipité sur le tapis. En 4 minutes, le Nautilus avait franchi les 4 lieues qui les séparaient de la surface de l'océan, et, après avoir émergé comme un poisson volant, il retombait en faisant jaillir les flots à une prodigieuse hauteur.